lance ce son par dédicacer les frères en prison. Donc nique les keufs, les juges et les matons. S'il y a une chose que je peux t'assurer, c'est que dans la rue on n'est pas assuré contre ce système qui en envoie trop à maison d'arrêt. Et je suis canardo, qui a déjà les flics cardo. Normal, j'ai jeté sa cardo parce qu'il fallait des euros. À ma mère, j'aurais aimé lui offrir des cadeaux. Mais Miskina, la seule surprise, c'est quand elle a vu la lispo. Et ça, plus d'une fois, c'est désolant, mais c'est la vie rouillarde. Donc j'en place une pour ceux qui niquent les caisses de l'État. Ceux qui font des cash bras pour Kekro, qui se retrouve en cash sans vendre pas. Pourtant, font la une des journaux. Dehors, la vie est dure. On veut tous rouler sur l'or, alors certains vendent la dure. Et ça devient hardcore. Sur le raté, on s'y met. Tout le monde s'y met. Vu que l'argent tombe pas du ciel, sinon ça saurait. Donc on prend tous les risques pour fêter le million. Sans passer par le fisc ou payer d'imposition, juste prendre position. Viscère les Yankees, Vesky les cochons qui nous grattent les clés. Oui, nous chaque jour, devant les keufs on court. Un avenir pas sûr, passe-moi 10 kilos et je deviendrai passeur. Je suis poseur, de mine sur instru, on m'appellerait casseur. Dans une manif, je serai un instru. Je vais de là où la violence a fait notre réputation. Là où la délinquance est en augmentation. Strike sur la France, on vient niquer la nation. C'est la haine qu'on romance, voilà pourquoi on met la pression. J'fais 10 textes à tous les refs incarcérés. Et ceux qui sur le terrain évitent de se faire serrer. C'est pour mes maghrébins, les maliens, les sénégalais. Les cailles qui sur la bac balancent des galets. Si on se fait prendre la main dans le sac, pas de balance au parquet. Quitte à faire du rap, c'est sortir au bout de quelques années. Trop de zoulous se sont frottés au haram. C'est ce qui leur permet de manger, éviter de faner. On est tous fous pour le blé, capable de canner. J'vais foutre un carnage, écoute-moi râler. 59, j'ai loin d'être sage, on l'a trop ramé. Écoute, à taille, ma clique de racaille. Si dans le nord, tu pourras la trouver. Tu flippes, j'suis hardcore, c'est la rue qui m'a couvé. Le 3ème, la salle, le trou et mon QG. T'as pigé, dans des bureaux, on veut siéger. Le rap, on a piégé. 5-9G, c'est le danger. C'est pour les frères en cage, les dealers en cage, les amateurs de braquage. Pour la luge, c'est outrageux. Au micro, j'rappe ma rage. Ici, c'est 5-9G, toujours loin d'être sage. C'est pour les frères en cage, les dealers en cage, les amateurs de braquage. Pour la luge, c'est outrageux. Au micro, j'rappe ma rage. Ici, c'est 5-9G, toujours loin d'être sage. C'est pour les gants rasés, les braqueurs engagés. Ceux qui font des sous en cage et ceux qui purgent des longues peines. Ceux qui ont pas pris le bon trajet, ceux qui ont laissé les sentiments dans la marge. Ceux qui tirent, même si j'en tire, n'est pas assez large. Et pour ceux qui ont l'attitude sauvage comme Nino, on veut tous apaiser notre âge et prendre nos tâches. Le commissaire et tout le reste du comico, c'est pour les dealers de commerco. Les narcos qui roulent en merco, vécu marqué par les perquis et les mandats de dépôt dans chaque ville à toute heure. Ça se passe comme tel, Roroto, le 6 gros et les 40 dealers pour stocker les euros. C'est pour ceux aussi en photo dans les grandes surfaces, ceux qui laissent une trace au PC, ceux qui se fâchent qu'on pourrait se faire afficher nos vies sur nos feuilles ancrées. Crash sur le code pénal que j'ai pas feuilleté. Au moins qu'il n'y a pas de crapule, juste des mecs en cul pour dire que les cons déambulent. Je vais militer pour mes gants en cage, marre de squatter la cage. Sur ce beat j'ai la rage, la haine coule dans mes veines, toujours vénère dans mes textes. Ces bâtards de fachos veulent nous voir pourrir au cachot. Je suis un hors la loi, au cœur me traque, je suis un tête comme Reno Rennes. Dédicace mes gants au carpla, l'ami des Majax, mes reins. Toujours à sur le terrain, chez nous pas de parrain, que des LM post en RR. C'est moi Diclo, le Zaiko, casseur de noix de coco, pro du chaos, player de barreaux. Je vais prendre l'eau sans otage, 4 mes frères dans leur cellule ont la rage, on tourne pas la page. C'est pour les frères en cage,